t'es gaillard. Dimanche soir à côté t'y bassin, un petit filet t'es là, mal à battre si épouva. Son robe t'es qui vend dans l'air, son figure lit éclair, l'il avait un bon petit l'odeur. Moi la cosse que t'es dit, l'il a fait son joli. Alors moi la dit, tu es les jolies, ton dans les blancs comme de riz. Tu es les jolies, ton zéboué comme grelitchi. Ton yeux des noirs t'y vit, ton cheveu des noirs aussi. A t'y pina, y'en qu'est ton enquête, les blancs comme un grain de riz. Oh, tu es les jolies, a t'y pis tous les jolis jolis. Même n'a rien que même, coupé fond de mon cœur comme ça même. Yeah, tu es les jolies, ton dans les blancs comme de riz. Tu es les jolies, ton zéboué comme grain litchi. Ton yeux des noirs t'y pis, ton cheveu des noirs aussi. A t'y pina, y'en qu'est ton enquête, les blancs comme un grain de riz. Et mon cheveu t'es en défrisé. Et à cause son tisé t'es qui brille quand le dé t'es costé. À cause l'île a parole chapée. Mon cœur t'es pas dans mon dos. La fête t'es déçu, moi l'air pour aller l'île à tourner. Moi t'es gagné pitié pour moi t'es qui comprend pire. Oh, seulement moi l'a dit. Tu es les jolies, ton dans les blancs comme de riz. Tu es les jolies, ton yeux brille comme grain litchi. Ton yeux les noirs t'y vit, ton cheveu les noirs aussi. A t'y pina, y'en qui ton enquête les blancs comme un grain de riz. Yeah. Ton dans les blancs comme de riz, tu es les jolies, ton zébris comme grain litchi, ton yeux les noirs t'y vit, ton cheveu les noirs aussi, à t'y pina, y'en qui ton enquête les blancs comme un grain de riz, à t'y pina, y'en qui ton enquête les blancs comme un grain de riz, à t'y pina, y'en qui ton enquête les blancs comme un grain de riz, à t'y pina, y'en qui ton enquête les blancs comme un grain de riz, à t'y pina, y'en qui ton enquête les blancs comme un grain de riz.